si difficile à accepter que ce chapitre soit terminé. Quitter cette page, la tourner sans pleurer. Je ne m'y étais pas préparé. La fin de cette histoire m'effraie. Si je pouvais, je passerais directement au résumé. C'est l'histoire d'un mec qui avait tout ce qu'il voulait. Les femmes, la salle, la maille, tout pour le combler. Si loin de la réalité, il était loin de se douter qu'en l'espace d'une seconde, sa vie bascule.